Le 5 mai, Tokyo, Rental, c'est deux fois plus de ça. Réchi. Tokyo Mental, le vendredi 5 mai de 21h à 23h. Plus d'infos sur radio-pulsar.org/Tokyo Mental, en un seul mot, avec un E à la fin. Tokyo Mental. 横浜公園のね、あの、ゆなのね、喋りもすごい良かった。 え、本当？ うん。なんか今まではさ、おかわりしちゃう、だっけ？ そう言ってた。 僕らのユニバース、ってずっと。 最高のユニバース、しちゃうって言ってた。 言ってたよね。 なんか、リハの時ゆなに向かってパンチとかしてたんだけど。 横浜はね、ちょっと言うこと変えたって。 変えた変えた。 そうだよね。すごい良かった。3分割くらいにこう文章が分かれてたと思うんだけど、最後の言う前に、なんか溜めてさ、最後に言ってたのがすごいドキドキしたし、その後の歌に入るときすごい盛り上がっていてね、すごく良かった。 嬉しい。なんかすごいいっぱい見てくれてるんだね、まゆちゃん。私もね、まゆの MC めっちゃ好きでね、牛蜜アップデートの前やってるじゃん。 Les mutants venant directement de la 8e dimension. Je ne suis pas un numéro. My God, it's full of stars. Tu sais, les étoiles en plus. La mer a présente Tokyo Mental. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Hi. Bonsoir, audionautes. Bienvenue. Vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores. Vous écoutez la 29e heure de Tokyo Mental, une émission diffusée à Poitiers et ses environs sur 95.9 MHz et en streaming dans le monde entier via le web sur radio-pulsar.org. Je suis le narrateur pour les 60 prochaines minutes et je vais vous accompagner dans ce voyage vers ma Tokyo imaginaire, ma Tokyo émotionnelle, Tokyo mentale. Lorsque j'ai commencé cette émission au mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne me rappelle plus exactement, de l'année dernière, j'avais en tête quelque chose de très très vague, quelque chose qui était de l'ordre de l'émission, concept, le truc total, une sorte de moyen métrage d'une heure dans lequel j'allais diffuser des extraits de films, de préférence japonais, de la musique, mais très travaillée, très déformée, quelque chose d'ambiante, quelque chose qui crée une espèce de voyage émotionnel. Et puis, quand j'ai présenté le projet, on m'a dit « Ah, ce serait bien quand même que tu introduises l'émission en parlant un petit peu ». J'étais pas trop chaud au début parce que parler c'est pas vraiment mon truc. Et puis finalement je me suis pris au jeu. J'ai commencé à écrire parce que comme vous pouvez le constater, je suis pas très à l'aise. Pour éviter les E, pour éviter les osotements, les accrochages à certaines liaisons, etc. Des trucs que quand je réécoute me disent « Oh là là, mais comment tu parles ?» Donc j'ai beaucoup écrit, et j'ai beaucoup aimé ça, et puis je me suis lassé. Et puis je me suis dit, quand même c'est vachement rigide mon truc, ce serait bien de pouvoir juste défiler une sorte d'argumentaire comme ça vient, comme dans la vraie vie. Sauf que je suis tout seul en studio, il n'y a personne avec moi, donc personne pour m'envoyer la balle, donc c'est pas évident. Voilà. Le 5 mai prochain, donc la semaine prochaine, pour Tokyo Mental édition 30, L'émission durera 2 heures. C'est-à-dire que l'heure 30, eh bien, comme dans une autre dimension, elle vaudra 2 heures. Et ce sera une émission essentiellement axée sur le mix. C'est-à-dire quelque chose de très soutenu, de très rythmique, avec énormément d'interventions de ma part pour sculpter, modifier, breaker, casser tout ça et rendre tout ça extrêmement énergique et puissant. Donc, si vous aimez le breakcore, parce que c'est essentiellement de ça dont il va s'agir, cette ersatz de la R&B avec des sonorités hardcore qui avoisinent les 140, 145, 150, 155, 160, 165 BPM, eh ben, venez me voir, venez me rejoindre en pensée, dans la réalité ou bien à la radio, et ben, prenez votre pied comme moi. En attendant, comme nous sommes les faiseurs de musique et comme nous sommes les rêveurs du rêve, eh bien, le voyage est déjà commencé, et le voyage vers Tokyo Mental. Tokyo Mental. Let's go. Radio Plus. We'll be right back. 縛られたままの心で灰を満たら

Bye. Tokyo Mental prend fin dans 4 minutes et 30 secondes. C'est très très précis. Comme d'habitude, c'est passé à fond la caisse. Si vous êtes resté jusque-là, eh bien, merci beaucoup. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Notez ça, c'est un événement. Même heure, 21h, mais cette fois-ci jusqu'à 23h. 23h de mix, de breakcore, de manipulation enchantée et démoniaque en même temps. Par votre serviteur, on va faire en sorte que ça passe moins vite cette fois. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, faites du bruit avec des casseroles, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A plus !